C'était l'ancienne correspondance de son grand-père et de sa grand-mère, qu'elle n'avait point connue. Elle voulait leur tendre les bras, par-dessus le corps de leur fille, aller vers eux, en cette nuit funèbre, comme s'ils eussent souffert aussi, former une sorte de chaîne mystérieuse, de tendresse, entre ceux-là, morts autrefois, celle qui venait de disparaître à son tour, et elle-même, restant encore sur la terre. Elle se leva, abattit la tablette du secrétaire, et prit dans le tiroir du bas une dizaine de petits paquets de papier jaune, ficelés avec ordre et rangés côte à côte. Elle les déposa tous sur le lit, entre les bras de la baronne, par une sorte de raffinement sentimental, et elle se mit à lire.